France Inter. Et à 8h56, François Morel, c'est à vous. Jean-Loup Chifflet vient de sortir un nouveau livre, Attention à la marche, lisez-le. Enfin, lisez-le, non, pas forcément, mais au moins, achetez-le. Il sort au prix de 17€ chez Bouquin, une maison d'édition d'importance qui actuellement publie les ouvrages les plus en vue. Achetez-le, puisque ce livre parle d'un sujet qui concerne pas mal de monde, l'âge. Pas encore tout à fait le grand âge, même si Jean-Loup Chifflet a quand même 80 ans bien sonné et qu'il combat les ravages du temps comme il peut, notamment en continuant à rouler à scooter, à porter des pantalons rouges et à adopter un sourire mi-farceur, mi-enjôleur qui, j'aime autant vous le dire, fait encore son petit effet auprès des coquettes résidentes des Tilleuls argentés. Le livre combat un phénomène récent, le jeunisme. Le jeunisme est une aberration, le jeunisme est un fourvoiement. Le théâtre privé l'a compris avant tout le monde. Depuis des années, on voit sur les boulevards des rôles de jeunes premiers tenus par des barbons, des vieux premiers qui finissent par accumuler un nombre considérable de trimestres leur permettant d'ouvrir leur droit à la retraite à taux plein en interprétant essentiellement des rôles d'amoureux débutants. La vieillesse est un naufrage, certes, mais le jeunisme est un ravage, le jeunisme est un carnage. Même l'Académie française, qui était le rendez-vous des vieillards, des cacochimes, des souffreteux, des aigrotants, des gérontes, des centenaires, des séculaires, ceux que l'hypocrite époque désigne sous le vocable affligeant de « senior », s'est couché lâchement devant le diktat du jeunisme, obligeant ses postulants à ne pas dépasser l'âge de 75 ans qui, dans le monde littéraire, correspond exactement à la fin de l'adolescence. C'est une honte, place aux vieux. On a élu un président jeune, voyez le résultat. Élisons Jacques Delors à la présidence de la République. En 1994, il avait renoncé à se présenter parce qu'il avait eu la sagesse de se rendre compte qu'à 70 ans, il était beaucoup trop jeune pour la fonction. Ce qu'il faut au gouvernement, ce sont des gens d'expérience. Olivier Stirne à la Défense nationale, Édouard Balladur à la jeunesse et au sport et Raymond Barre aux affaires européennes. Vous me direz, Raymond Barre est mort, je vous reconnais bien là, engoncé dans vos certitudes, corrompu par des siècles d'habitude. Vous refusez l'excellence de ma pensée novatrice en mettant en avant des détails annexes et somme toute secondaires. Vive les vieux, mort aux jeunes, place aux vieux. Même si vous n'avez pas l'intention de le lire, achetez Attention à la marche, le livre de Jean-Loup Chifflet, bien trop vieux pour entrer à l'Académie française, mais bien trop jeune pour être considéré avec déférence. Jean-Loup, expert en citation, pourrait s'inspirer de Nizan. J'ai 80 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Mais définitivement plus proche de Rimbaud, on dira avec lui, on n'est pas sérieux quand on a 80 ans. Merci François Morel et oui, vive les vieux. France Inter.